elle l'épousa. Elle se sentait enfoncée dans un trou aux bords inaccessibles dont elle ne pourrait jamais sortir. Et toutes sortes de malheurs restaient suspendus sur sa tête comme des gros rochers qui tomberaient à la première occasion. Son mari lui faisait l'effet d'un homme qu'elle avait volé et qui s'en apercevrait un jour ou l'autre. Et puis, elle pensait à son petit, d'où venait tout son malheur, mais d'où venait aussi tout son bonheur sur la terre. Elle allait le voir deux fois l'an et revenait, plus triste chaque fois. Cependant, avec l'habitude, ses appréhensions se calmèrent, son cœur s'apaisa et elle vivait plus confiante, avec une vague crainte flottante encore en son âme. Des années passèrent. L'enfant gagnait 6 ans. Elle était maintenant presque heureuse, quand tout à coup, l'humeur du fermier s'assombrit. Depuis 2 ou 3 années déjà, il semblait nourrir une inquiétude, porter en lui un souci, quelque mal de l'esprit grandissant peu à peu. Il restait longtemps à table après son dîner, la tête enfoncée dans ses mains, et triste, triste, rongé par le chagrin. Sa parole devenait plus vive, brutale parfois. Il semblait même qu'il avait une arrière-pensée contre sa femme, car il répondait par moments avec dureté, presque avec colère.